franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Sartre et le Nobel, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Jean-Baptiste Sabiani, réalisée par Pascal Deux. Tout un homme fait de tous les hommes et qu'il les vaut tous et que vaut n'importe qui. C'est ainsi que se définissait lui-même l'auteur des mots à la fin de son récit d'enfance. Ce livre si personnel et si beau, Les mots, en 1964. Eh bien, c'est en cette même année que Jean-Paul Sartre, fidèle à ses idées et à ses principes, refuse le prix Nobel de littérature. Pour essayer de parler de Jean-Paul Sartre, on peut citer quelques-unes de ses phrases les plus célèbres, qui ont traversé les pages, les temps et dont l'écho résonne toujours à l'esprit des lycéens et des étudiants. Souvenez-vous, l'enfer c'est les autres. Bien sûr, l'enfer c'est les autres. Alors c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru. Vous souvenez? Le soufre, le bûcher, le grill. Ah, quelle plaisanterie. Pas besoin de grill. L'enfer c'est les autres. C'était dans huis clos. L'existence précède l'essence. Bien sûr, on se souvient de cette phrase. Ou alors, l'homme est condamné à être libre dans L'existentialisme est un humanisme, en 1946. Ou encore, je n'ai pas rêvé cet héroïsme. Je l'ai choisi. On est ce qu'on veut, dans huis clos. Enfin, la glace m'avait appris ce que je savais depuis toujours. J'étais horriblement naturel, je ne m'en suis jamais remis. Ou encore, et enfin, on meurt toujours trop tôt ou trop tard, et cependant la vie est là, terminée, tu n'es rien d'autre que ta vie. Huis clos, toujours. Alors, qui est Sartre? Eh bien, un auteur de pièces de théâtre, avec Les mouches, huis clos, les mains sales. Un romancier, avec La nausée, en 1938, Le mur, un an plus tard. Ou un philosophe, auteur d'essais, L'existentialisme est un humanisme, on l'a cité, 1946. Qu'est-ce que la littérature? En 1946. Et d'œuvres philosophiques, bien sûr, L'être et les néants. L'être et le néant, en 1943, ou encore Critique de la raison dialectique, en 1960. L'homme révolté et engagé qui créa la revue Les Temps modernes, participa à la création du journal Libération en 1973 et vendait la cause du peuple dans la rue. Beaucoup de questions. Qui était Sartre? Le compagnon de Simone de Beauvoir, un couple précurseur à la liberté revendiquée? Ou le critique parfois de mauvaise foi d'Albert Camus, lui aussi prix Nobel en 1957. Toujours est-il que le père de l'existentialisme réclame l'engagement de la littérature dans les luttes du présent, puis, il faut bien le dire, s'égare parfois dans les contradictions de l'engagement marxiste. Contrairement à Raymond Aron, il adhère à l'insurrection de mai 68, puis devient militant d'extrême-gauche, affirmant que les communistes ont peur de la révolution. Ce nouvel engagement conduira Sartre à rencontrer Bader en 1980, le plus connu des chefs de la fraction armée rouge, alors en prison d'Allemagne, pour terrorisme. Daniel Cohn-Bendit, qui l'accompagnait comme traducteur, n'a pas été autorisé à entrer dans la cellule, mais à la sortie, il raconte que Jean-Paul Sartre lui a dit « Ce qu'il est con, ce Bader !» Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'un homme aujourd'hui, se demandait Sartre, dans L'être et le néant. Et nous, demandons-nous, comment comprendre l'influence formidable que Jean-Paul Sartre a eue sur des générations de jeunes? Voilà, pour nous y aider à approfondir cette personnalité de Jean-Paul Sartre, nous recevrons après la fiction Adi Riske, professeur en Cagne au lycée Henri IV, docteur en philosophie, auteur de plusieurs études sur Jean-Paul Sartre, dont le livre, j'en cite qu'un, mais je cite celui-là, « Comprendre Sartre », édité chez Armand Collin, en 2011. Sartre et le Nobel de Jean-Baptiste Sabiani. Réalisation Pascal Deux. Ce 14 octobre 1964, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir déjeunent à leur habitude, en tête à tête, dans un restaurant du quartier Montparnasse. Le philosophe de 59 ans vient en effet de quitter son quartier emblématique de Saint-Germain-des-Prés, qu'il habitait depuis 30 ans. Son soutien aux luttes de libération dans le tiers-monde, son combat pour le dialogue des cultures Est-Ouest et ses fréquents voyages en URSS en tant que président d'une institution créée par des membres du Parti communiste italien font de lui l'intellectuel le plus écouté et le plus discuté en France et à l'étranger. Malgré cette position centrale, le héros de l'existentialisme est à une période charnière de sa vie. Alors qu'il s'acharne sur son étude Fleuve de Flaubert, il vient de connaître un énorme succès critique et public avec la publication du récit de son enfance, Les mots. Ce récit touchant de la naissance de sa vocation d'écrivain, surpris beaucoup par son apparente sincérité et l'émotion vraie qu'il transmettait. On ne s'y attendait guère, de la part d'un homme connu avant tout pour la puissance de sa pensée conceptuelle et pour sa plume acérée comme une pointe de flèche empoisonnée. Je n'ai pas mangé, Castor. Je n'ai pas beaucoup d'appétit. Pour moi, c'était parfait. Que regardez-vous dans mon dos depuis quelques minutes? Un spectacle qui vous plairait. Vous avez l'air captivé. Ah, ne vous retournez pas. Comment? Elle est aussi jolie. Qui donc? Ne vous retournez pas. Une jeune femme qui rôde autour de vous depuis un moment et qui n'ose pas s'approcher. Intéressant. Décrivez-la moi au moins. La décrire, voyons. Elle est très jolie, moins de 25 ans, étudiante certainement. Blonde, les cheveux courts, sous un béret à la mode, assez bien faite. Un beau regard, des longs cils. Mazette. Ah, elle comprend que nous parlons d'elle. Oui, elle pique un phare. Elle se retourne, elle décampe, elle est partie. Elle ne viendra pas vous voir, Sartre. Dommage. Ça aurait pu être un moment plaisant. Elle n'était pas du genre que vous affectionnez tant. Petit oiseau tombé du nid que vous pouvez protéger. Auriez-vous des bouffées de jalousie? Certainement pas. Mais il peut-être m'arriver de croire que vous me cachez certaines aventures. Aucunement. Je respecte nos engagements. Vous les connaissez toutes. Les amours contingentes restent contingentes, soyez-en assurés. Le nôtre seul reste nécessaire. Votre intérêt pour les jeunes filles ne me gêne pas. Il me semble le montrer suffisamment. Vous avez vous-même toute votre liberté à ce sujet. Je suis très fier de cette relation que nous bâtissons ensemble depuis plus de 30 ans. Voilà, bien sentimental. C'est ma relation avec Arlette qui vous inquiète? Aurais-je des raisons pour cela? Vous ne me faites plus confiance. Bien sûr que si. Vous êtes fâché. Je ne suis pas fâché. Mais votre erreur et votre tristesse me peinent. Je ne suis pas triste. Arrêtons. Parlons de choses plus importantes. Je suppose que vous n'avez pas lu le Figaro du jour. Non, pas encore. Vous l'avez là? Je voudrais voir leur point de vue sur le voyage à Berlin du monarchiste attardé qui nous sert de président et se prend pour un roi. Lisez d'abord le bref article en bas de page, celui qui n'est pas signé. Des ragots? Chic, voyons cela. Jean-Paul Sartre, au nombre des favoris pour le prochain prix Nobel. Nom de Dieu. Ça va dans le sens de ce que m'a écrit Patchy le mois dernier. Il était bien renseigné, apparemment. L'article ne dit pas que je recevrai le prix. Il dit « au nombre des favoris ». Bah, lisez-le tout de même en entier. L'écrivain, renommé, engagé... On ne lui tiendra pas rigueur à Stockholm d'un passé politique controversé. Ils sont prêts à vous pardonner. Les vieux cons. Vous en faites une mine. Je me sens piégé. Piégé? J'ai beaucoup pensé depuis la demande de Patchy le mois dernier de publier mon discours de réception. Le prix Nobel, fût-il de littérature, n'est pas un prix littéraire. Il n'est pas qu'un prix littéraire, vous voulez dire? Oui. Sans même considérer les goûts esthétiques de Nobel, qui souhaitait que fût honoré l'auteur d'une œuvre à tendance idéaliste, ou humaniste, je ne sais plus. L'important est qu'il récompense uniquement des auteurs de l'Ouest, ou des dissidents de l'Est. De toute façon, mettre la littérature en hiérarchie est une idée contraire à l'idée littéraire. C'est une idée bourgeoise, adaptée à une société bourgeoise qui veut tout intégrer. Et vous incarnez le contraire. Évidemment. Qui a la qualité pour donner un prix, Nobel ou autre? Distinguer tel écrivain plutôt que tel autre? C'est absurde. Je ne peux pas accepter un tel prix. Naturellement. Les honneurs déshonorent, comme disait votre cher Flaubert. La différence entre ce bourgeois et moi est immense. Lui pensait que la supériorité de l'artiste devait l'inciter à refuser les honneurs. Je dis, au contraire, que c'est l'orgueil qui doit pousser à refuser. Pas l'orgueil entendu comme une quelconque vanité avec laquelle on le confond souvent, mais entendu comme la revendication de son égalité avec tous les autres hommes. Ainsi que vous concluez les mots. L'orgueil, le vrai orgueil, c'est se revendiquer l'égal des autres. Disons que c'est le fait d'être un homme qui, de sa naissance à sa mort, agit et se distingue du reste du monde par son action et par sa pensée qui est aussi une action et par ses sentiments qui sont une ouverture vers le monde de l'action. Pour le cas qui nous occupe, c'est l'absence d'orgueil qui pousse les gens à accepter les honneurs. D'ailleurs, je ne comprends pas que les autres hommes ne soient pas aussi orgueilleux que moi. Mais quoi qu'il en soit, si vous deviez être désigné, vous n'avez que de bonnes raisons pour refuser ce prix. Des raisons pour me méfier dans un premier temps. C'est compliqué. Si je refuse le prix, je provoque un scandale. Personne ne l'a jamais fait. Il faut vraiment changer ce monde. Si je provoque l'Académie suédoise, qui jouit d'une image flatteuse, mon combat pour la coexistence des cultures de l'Est et de l'Ouest et pour la démilitarisation de la culture verra son crédit entamé. Le Nobel est certes le prix qui reçoit le plus d'écho, mais vous lui accordez une sorte de pouvoir presque magique, un peu excessif, non ? Et puis, on ne peut pas traiter à la légère la question de l'argent, les millions qui vont avec le prix. Je n'en veux pas pour moi, même si je ne suis pas riche, là n'est pas la question. Mais je pourrais en faire bénéficier certains mouvements révolutionnaires qui, eux, en auraient l'utilité. Ou acheter un appartement à Vanda. Faute de l'avoir épousée, je lui donnerai un confort matériel, une tranquillité d'esprit dont elle a bien besoin. Ici, Arlette... Donc, vous ne pouvez ni accepter, ni refuser. Faudra bien choisir, le cas échéant. C'est à vous de choisir. De quelle génération vous sentez-vous le plus proche, Sartre ? Je persiste à croire que le point de vue de l'équipe des temps modernes n'est pas le bon. Leur enthousiasme dans l'hypothèse de votre victoire, leur projet de vous accompagner faire la fête à Stockholm et leurs idées sur l'utilisation de l'argent du prix vous ont décontenancé, je le comprends. Mais ces quadragénaires sont bien trop sages. Brillants, certes, mais pas assez engagés. Je suis soucieux comme vous de ce que pense la jeunesse. Je partage la violence du point de vue de vos jeunes amis qui voient en ce prix un enterrement de première classe. Leur radicalité m'a beaucoup impressionné. Leur unanimité aussi. Et puis ils sont ma clientèle, et le client a toujours raison. Ce sont eux qui renverseront l'ordre bourgeois un jour, j'en suis convaincu. Vous permettez que je vous débarrasse ? Oui, s'il vous plaît. Merci, madame. Vous me trouvez dépassé, Castor ? Au contraire. Vous êtes au centre de tout. Pour la jeunesse, notamment. On vous écoute et on vous craint. Vous savez l'admiration que j'ai pour votre intelligence sans égale. Mais est-elle dans le coup, cette intelligence ? Je ne suis plus dans le coup. Le succès considérable, tant critique que public, des mots montre que si. Mon passé politique controversé, dit l'article du Figaro. C'est passé le mot important dans la phrase, pas controversé. J'y suis pour quelque chose, remarquez. J'annonçais que je travaillais sur une autobiographie politique. Elle est devenue le récit d'enfance d'un écrivain qui s'est défait d'une névrose de littérature. Et je le termine en écrivant que j'ai changé, que je me suis assagi et que je reconnais une certaine impuissance. Exit l'engagement, croit-il. Vous incarnez toujours la lutte pour la liberté. Quand on pense liberté aujourd'hui, un seul nom vient à l'esprit, Sartre. Et pas comme un vestige du passé. Recevoir ce prix est inconcevable pour moi. Davantage encore au vu de ce que m'inspirent les honneurs de circonstance. Mais je crains que ma simple désignation ne soit interprétée comme une annexion de ma littérature à l'ordre bourgeois. C'est idiot. Vous avez montré que se poser la question de la valeur littéraire d'une œuvre est sans intérêt. La seule chose qui compte, c'est qu'elle conduise le lecteur vers la révolution. Je dois vous avouer que je m'en veux. De quoi ? Je n'ai pas vu venir le coup. Comme si tout était orchestré. La presse est unanime à la sortie des mots, il y a quelques mois. Tout juste me reproche-t-on une certaine sévérité pour l'enfant que j'étais. Et l'on m'incite à redonner des livres de cette veine. Première étape. Puis on annonce que le jury du prix Nobel pense à moi. Je suis désengagé, croit-il. Alors on accepte de me remettre le prix, ou même simplement de l'envisager. Le coup de grâce. Je suis institutionnalisé de fait. Vous n'êtes pas récupérable. Je vais la réécrire. À qui ? Au Nobel. À l'Académie suédoise. Le lauréat sera désigné dans 8 jours. Nous avons encore le temps. C'est le moyen le plus sûr de sortir de cet imbroglio. Donnez-moi votre carnet. Je vais faire un brouillon. Messieurs, d'après certaines informations dont j'ai eu connaissance aujourd'hui, j'aurai quelques chances d'obtenir le prix Nobel. bien qu'il soit présomptueux de décider d'un vote avant qu'il ait eu lieu. Excellente formule. Je prends la liberté de vous écrire afin d'éviter un malentendu. Je vous assure de ma profonde estime pour l'Académie et le prix qui a honoré tant de grands écrivains. Mais, pour des raisons personnelles et d'autres plus objectives qu'il n'y a pas lieu de développer ici, je souhaite ne pas figurer sur la liste des lauréats possibles, ni en 1964, ni plus tard. C'est à la fois explicite et très courtois. Vous voilà tiré d'affaire. Voilà. Je rajouterai quelques formules de politesse. Je mets cela au propre à la maison et l'enverrai dès cet après-midi avant d'aller voir maman. Je vous laisse, Castor. Nous nous voyons demain à midi et demi. À la coupole ? À demain. Demain. Sartre ignorait que, même si sa lettre arriverait avant l'annonce officielle du lauréat par l'Académie suédoise, celle-ci avait arrêté son choix depuis longtemps. La France accueille le 22 octobre 1964 le choix des Nobel avec ferveur, y compris la presse de droite, qui, dans un élan de nationalisme littéraire cocasse, s'enorgueillit de la distinction faite à un auteur qui a déclaré vouer à la bourgeoisie une haine qui ne s'éteindrait qu'avec lui. Cette agitation semble bien dérisoire à Sartre, par rapport à la destitution de Khrouchtchev par les conservateurs du régime soviétique, survenue quelques jours auparavant. Car si Sartre n'a jamais été membre du Parti communiste, ses sympathies le poussent vers « le socialisme et la liberté », écrit-il avec constance. À la Libération, il tente de trouver une troisième voie entre capitalisme et socialisme soviétique en fondant un parti politique, l'éphémère Rassemblement démocratique révolutionnaire. Régulièrement insulté et calomnié par le PC français et ses intellectuels officiels dans le journal Action, il se rapproche néanmoins du parti entre 1952 et 1956. Il est alors considéré comme un compagnon de route. Sa critique radicale de l'écrasement de l'insurrection de Budapest marquera la fin de ce rapprochement. Se ravive une animosité féroce avec les « communistes stalinoïdes » qui, déplore Sartre, ne peuvent comprendre qu'on puisse être critique et aussi de leur côté. Il considérera cependant, avec une régularité sans faille, les critiques contre l'URSS venant de l'autre camp comme des mensonges ou des exagérations. Malgré tout, Sartre a choisi le camp de la Révolution. Se sentant coincé par l'attribution du prix Nobel de littérature qui penche dangereusement à l'Ouest, Sartre, qui incarne la littérature engagée, profite d'une longue tribune que lui offre le journal Le Monde pour expliquer à la ville et au monde, comme le note malicieusement François Mauriac, prix Nobel 1952, les raisons de son refus de cette distinction. Les raisons personnelles et celles plus objectives qu'il met en avant à cette occasion donnent ainsi une résonance encore plus universelle à son action. J'ai toujours décliné les distinctions officielles. Cette attitude est fondée sur ma conception du travail de l'écrivain. Un écrivain qui prend des positions politiques, sociales ou littéraires ne doit agir qu'avec les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire la parole écrite. Cette attitude est évidemment entièrement mienne et ne comporte aucune critique contre ceux qui ont déjà été couronnés. Mes raisons objectives sont les suivantes. Le seul combat actuellement possible sur le front de la culture est celui de la coexistence pacifique des deux cultures, celle de l'Est et celle de l'Ouest. Je ressens personnellement, profondément, la contradiction de ces deux cultures. Je suis fait de ces contradictions. Mes sympathies vont indéniablement au socialisme et à ce qu'on appelle le bloc de l'Est. Mais je suis né et j'ai été élevé dans une famille bourgeoise et une culture bourgeoise. Cela me permet de collaborer avec ceux qui veulent approcher les deux cultures. J'espère cependant, bien entendu, que le meilleur gagne, c'est-à-dire le socialisme. C'est pourquoi je ne peux accepter aucune distinction distribuée par les hautes instances culturelles, pas plus à l'Est qu'à l'Ouest, même si je comprends fort bien leur existence. Suite au retentissement de cette affaire, le journal L'Aurore pourra titrer « Coup double pour Jean-Paul Sartre ». 1. Il reçoit le prix Nobel. 2. Il le refuse. On ne saurait mieux dire. Les réactions à ce double coup sont innombrables. On le poursuit dans la rue, sans relâche, avec micro, appareil photo et caméra. Sa décision est commentée des semaines durant. Ses thuriféraires admirent son anti-académisme, sa liberté. Ses détracteurs moquent une posture venant d'un homme qui est une institution de fait et qui ne l'assume ou ne l'accepte pas. Il voit aussi qu'à l'université, dans la presse et auprès de la jeunesse, de nouvelles idées apparaissent et renvoient Sartre au passé. Monsieur Sartre ? Bonjour, Jeannette. Tenez, asseyez-vous. Merci de me recevoir. Que désirez-vous boire ? Un café. Deux cafés, s'il vous plaît. Ça marche. Deux cafés. Alors, que se passe-t-il depuis le mois de mars à l'Union des étudiants communistes ? Beaucoup de débats, beaucoup de débats. Estelle, vous font chier ? Monsieur Sartre. Ah, d'abord, excusez-moi, j'ai failli oublier. Je vous ai apporté une boîte de chocolat. J'espère qu'ils vous plairont. J'aurais préféré une boîte d'amphétamine. Je plaisante. Ne rougissez pas, j'adore les chocolats. Merci. Alors, dites-moi tout. Voilà, je suis mandatée par Clarté pour vous demander de participer à une conférence que nous souhaitons organiser dans un mois, début décembre. Le thème serait en gros ce que peut la littérature. Et dans le contexte actuel, votre présence serait une bénédiction. Diable, vous me prenez pour le pape ? Il y a un peu de cela, oui. Votre voix est très écoutée par les étudiants. Vous êtes une conscience qui nous éclaire sur les combats à mener. Nous nous sommes reconnus dans votre refus du prix Nobel et de devenir une institution une institution. Je suppose que la revue a proposé à d'autres personnes de participer à cette conférence. Le plus important serait que vous et Simone de Beauvoir puissiez venir, je ne vous le cache pas. Les deux cafés. Ah, oui. Merci. Merci. Comment le parti a-t-il réagi à l'entretien que j'ai donné à votre rédacteur en chef au mois de mars ? Même si vous aviez parlé d'autre chose que d'esthétique réaliste, ils auraient tiqué, je crois. Ils en sont presque drôles. Il n'est vraiment pas beau ce parti, mais nous n'avons que celui-là. Nous aussi, nous sommes dans leur collimateur. Notre ligne éditoriale les empêche de dormir et ils s'opposent à ce que l'UEC soit indépendante. Oh, je vais vous raconter quelque chose. Ils avertissent nos parents de nos déviances. Alors, ceux-ci, inquiets, nous demandent « On raconte des choses sur toi au parti, tu n'es pas social-démocrate au moins ?» Alors nous répondons « Non, non, je suis juste d'accord avec le parti italien. » Très bon. Vous êtes une bouffée d'air frais pour ce parti de vieux staliniens. La voie tracée par mon regretté ami Palmiro Togliatti, c'est quand même autre chose que celle de feu Maurice Thorèse. Votre présence à notre conférence serait un signe politique fort. Cela nous permettrait, à nous, les Italiens, de contrer les membres du parti qui veulent nous mater. Ils veulent vraiment récupérer Clarté et nous en dégager. Vous avez besoin de ma notoriété, quoi ? De votre pensée ? Vous n'êtes pas structuraliste, vous, hein ? Je ne sais pas. Je crois que je suis sartrienne, comme tous. Ça ne vous intéresse pas, le structuralisme ? Barthes, Foucault, Lévi-Strauss ? Eh bien, ce sont des auteurs aux méthodes un peu nouvelles qui ont un certain écho. Mais quel rapport avec vous ? Ils ne m'aiment pas beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai même parfois l'impression que pour eux, c'est moi le vieux con. Ah, vous sous-estimez ce que vous représentez et ce que vous avez apporté. Et apporté encore. Je me demande juste si je suis encore en phase avec la jeunesse. Ou le vestige d'un temps révolu. Nous avons besoin de vous, croyez-moi. Cette conférence, nous la souhaitons comme Sartre qui parle de littérature au quartier latin, aux étudiants qui veulent une transformation du monde. Peut-elle les y aider ? C'est à vous de nous le dire. La jeunesse a toujours pu compter sur vous et sur Simone de Beauvoir. Nous avons besoin de vous. Nous avons tous lu Aden Arabi. Yves, notre rédacteur en chef, compte ouvrir la conférence en citant ce livre de votre ami Paul Nizan et votre préface, dans laquelle vous incitez la jeunesse à se battre. Il vous céderait ensuite la parole. Le parti va s'en étouffer. Il le fera. Si vous êtes là. Et qui d'autre participerait ? Comme je vous l'ai dit, nous souhaiterions que Simone de Beauvoir soit aussi présente. Nous envisageons également de solliciter des membres de la revue telle qu'elle. Ils ne vous sont pas hostiles. Vous êtes charmante, Jeannette. Soit, je viendrai et je parlerai de ce que peut la littérature et de Paul Nizan. Et je demanderai à Simone de Beauvoir de venir également. Merci. Je trouve ça très bon. Oui, c'est très amusant. Oui, et puis c'est très simple. Avec une fondue bourguignonne, pas besoin d'être un grand chef. C'est toi, Jean-Paul ? Oui, c'est moi, maman. Je vais éteindre le poste. Laisse allumer, ça ne me dérange pas. C'est quand même mieux comme ça. Tu vas bien ? Je suis passé chez le disquaire en venant. Il venait de recevoir les sonates de Beethoven jouées par Wilhelm Kempf. Je t'en ai pris un exemplaire. Mets-le sur le phonographe. Nous allons écouter ça. Tu dînes avec moi ? Mais non, maman, nous sommes mercredi. Je suis pris. On ne peut rester que quelques instants. Tiens, je t'ai apporté aussi une boîte de chocolat. C'est gentil. Tu es quand même gentil avec ta vieille maman. Même si tu n'as rien compris à ton enfance. Tu as passé une bonne journée ? Je suis sortie, pas bien longtemps. J'avais un peu frais dehors. L'hiver arrive, dirait-on. Et toi ? Tu as bien travaillé ? Oui. Oui, sur mon Flaubert. Je suis passé au temps moderne. J'ai déjeuné avec Simone de Beauvoir. J'ai vu une étudiante. Tu es encore professeur ? Ah non. Depuis 20 ans. Ben oui, bien sûr. Mais les étudiants viennent quand même te voir. Je suis fière de toi. Tu as bien réussi. Malheureusement... Quoi ? Je n'aime pas l'image que tu donnes de ton enfance. Tu me l'as déjà dit 100 fois. J'y ai repensé aujourd'hui. Et cela m'a à nouveau contrariée. La description de cet enfant en imposteur, un cabot... C'est moi, cet enfant. Non, ce n'est pas toi. Tu étais un enfant gentil et affectueux. Tout le monde t'aimait parce que tu étais gentil et affectueux. Et tu écris des horreurs sur mon père, sur ma famille, et moi, je suis une sotte. Ce n'est pas ce que me disent les lecteurs des mots. Bah, forcément, ils s'en moquent. Ce n'est pas leur histoire. Mais je te dis que tu n'as rien compris. Et ce que tu as écrit n'est pas la vérité. Je serais ravi de parler avec toi une fois encore de mon travail d'écrivain, mais je n'ai pas le temps ce soir. Tu peux comprendre ce que ça fait à une mère de lire des choses pareilles ? Ce n'est pas mon problème. Je ne suis qu'une bourgeoise, de toute façon. Arrête ! Tu sais que je ne supporte pas la victimisation. À quoi bon s'entêter ? C'est une question philosophique, ça, non ? Comment trouves-tu le jeu de Kempf ? Très allemand. Effectivement. Moi, j'aime beaucoup. Moi aussi. C'est très beau. Je te laisse. Je suis attendu pour dîner. À demain. Jean-Paul. Oui ? Prix Nobel ou prix Tartempion, ça m'est égal. T'es toujours mon garçon. Je sais. À demain, maman. 1964 marqua l'adieu de Sartre à la littérature avec les mots, sa consécration internationale et définitive comme écrivain avec l'attribution du prix Nobel, et sa réputation universelle de rebelle et de révolutionnaire avec son refus du prix. Malgré l'apparition de nouveaux courants de pensée et de nouveaux maîtres à penser en révolution, Sartre demeure la voix de la liberté pour les jeunes filles et les jeunes gens qui, de rébellion en révolte, vont donner un nouveau visage et un nouvel élan au mouvement révolutionnaire, de mai 1968 jusqu'à la fin des années 70. Des mouvements dans lesquels il jouera un rôle de premier plan. Mais ceci est une autre histoire. C'était Sartre et le Nobel, de Jean-Baptiste Sabiani, avec Jean-Paul Sartre, Olivier Claverie, Simone de Beauvoir, Dominique Raymond, Jeannette, Mélissa Barbeau, Madame Mancy, Françoise Lebrun, narration, Laurent Cléry, et les voix de Bertrand de Rofignac, Mathieu Rocheverger, Christina Grévillaine. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Lidouine Caron. Bruitage, Élodie Fiat. Assistant à la réalisation, Félix Levacher, Pablo Valero. Réalisation, Pascal Deux. people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. Jean-Paul Sartre, vous êtes conscient de la place que vous occupez sur l'échiquier international? Vous savez, j'occupe une très petite place sur l'échiquier international. Non, soyez simple. Non, mais je dis franchement que je ne peux pas faire éclater une guerre ou bien délivrer un pays exploité par un ou opprimé par un autre. Tout ce que je peux faire, c'est, comme tout le monde, protester quand, par exemple, Nixon envoie des B-52 sur un... Non, mais je pensais au philosophe. Vous savez que vous êtes l'un des plus connus dans le monde. Oui, l'un des plus connus peut-être. Vous allez être fier. Non, pas particulièrement. Je ne suis plus très fier, vous savez. Vous n'êtes pas accroché aux honneurs? Non. Non, vraiment pas. Les honneurs, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. J'en ai refusé un, le prix Nobel, et pour les autres, j'en ai pas eu. Pourquoi avoir refusé le prix Nobel? Parce que je ne vois pas pourquoi une cinquantaine de messieurs âgés et qui font de mauvais livres me couronneraient. C'est au lecteur à dire ce que je vaux, ça n'est pas ces messieurs-là. L'honneur, c'est d'être lu? Ben oui, si vous voulez. C'est tout le même honneur. On se fait lire, on écrit donc, on se fait lire, c'est tout. On essaie de se faire lire. Il y en a qui ne réussissent pas, pour des raisons diverses, qui d'ailleurs souvent ne viennent pas entièrement en deux. Puis il y en a qui réussissent, voilà tout ce qu'on peut dire. Mais je ne me laisserai jamais donner un prix actuellement ou récompenser par une petite élite de 50 personnes dont je ne sais même pas si elles comprennent ce que je fais. De la même manière, vous ne pouvez pas entrer à l'Académie française. Bien entendu. Qu'irais-je faire avec ces vieux messieurs? France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Sartre et le Nobel, notre invité Adi Risk, professeur de philosophie, auteur du livre « Comprendre Sartre ». Bonjour Adi Risk. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de philosophie en Cagne au lycée Henri IV à Paris donc. Vous avez été directeur de programme au Collège International de Philosophie, à Paris toujours. Sur Sartre, vous êtes l'auteur notamment de « Comprendre Sartre » chez Armand Collin, paru en 2011. « Individus et multiplicité », ça c'est un essai sur les ensembles pratiques dans la critique de la raison dialectique. Édition Quimet 2014. Voilà, par ailleurs, vous êtes aussi l'auteur du livre intitulé, alors on parle d'un autre philosophe, Spinoza, l'expérience et l'infini, chez Armand Collin, en 2012. Je veux être lu par des gens qui ont envie de lire mes livres, hein, pas par des collectionneurs de célébrités. Ça, ce sont les propres mots de Sartre dans une interview après avoir refusé le Nobel. Dans les mots, Sartre écrivait qu'on ne se définit qu'en s'opposant. Alors, ce refus, cette opposition au prix Nobel de littérature, c'était une vraie marque de désaccord sincère par rapport à un système, je sais pas, ou un désaccord politique, ou c'était un coup pour sa publicité? Je crois qu'il était dans une situation personnelle, intellectuelle et existentielle qui faisait qu'il ne pouvait pas accepter ce Nobel. D'abord, il vient de publier Les mots, qui est quand même un travail, une sorte d'autofiction critique, acerbe, à l'égard de lui-même, où il essaie de démonter sa vocation d'écrivain, de voir quelles étaient parfois les présuppositions de mauvaise foi, le mensonge qu'il y avait derrière. Et donc il ne veut pas être figé dans le statut de l'écrivain académique qu'on immortalise par un prix. Mais par ailleurs, ayant écrit quelques années auparavant La critique de la raison dialectique et s'apprêtant à commencer ce long travail sur L'idiot de la famille, il est à la recherche, Sartre n'a jamais cessé de penser contre lui-même. Il a dit « penser, c'est se déprendre de soi ». Donc il a toujours essayé de se mettre en question, parfois peut-être avec certaines formes de ruse, mais enfin en tous les cas, il s'est mis en question. Et là, il est en train de chercher une forme d'action en situation, dans la singularité de l'époque, dans la singularité du moment. Et là encore, le caractère un peu anhistorique, pourrait-on dire, du prix, le gênait. Alors, il a donné deux raisons sur lesquelles il est revenu dans ses entretiens avec Simone de Beauvoir en 73-74, qu'elle a publié dans La cérémonie des adieux. Première raison, quand on a passé des concours, très bien, pour avoir un poste, pour avoir l'agrégation, mais on ne donne pas des prix à des écrivains. Surtout lorsque chaque écrivain, à sa manière, exprime l'essence même de la littérature. Il a dit, dans le passé, Proust n'aurait pas eu prix, mais tel autre l'aurait eu. Qu'est-ce que ça veut dire, des prix? Ça, c'est la première raison. Ça, c'est la première. Alors, la deuxième raison, alors on peut en discuter, la deuxième raison qu'il a donnée de manière plus objective, c'est que, de fait, le Nobel intervient dans une situation de reprise d'une guerre froide un peu aiguë après l'éviction de Khrouchtchev, et il ne voulait pas donner l'impression de recevoir le prix occidental par opposition à celui des pays de l'Est. Mais en se posant toujours, non pas cette fois-ci comme ami de l'URSS, pas du tout, mais comme celui qui voudrait jeter des ponts entre les deux cultures et entre les deux systèmes, est un homme plutôt de transition et de paix entre les deux systèmes. Voilà. Ça veut dire qu'avec le recul, la démarche de Sartre par rapport à ce qu'il est, c'est ce que vous me dites, elle est cohérente. Tout à fait. Tout à fait. Et pourtant, on lui a reproché parfois, ce refus a fait beaucoup de bruit hein, dans le monde littéraire, et celui de l'édition, que ce soit sous la plume de François Mauriac, Jean Rostand, Jules Romain, Jean Polan, et François Sagan aussi. Ça a été présenté comme une forme d'orgueil. Je ne crois pas. Ou à ce moment-là, c'est l'orgueil de la personne qui veut être jugée sur ses actes et pas recevoir des honneurs ou être transformée de son vivant en une espèce d'icône. Alors on va aller fouiller les mots de Jean-Paul Sartre. Oui, je sais, la formule est facile, mais bon. On va faire un peu de philosophie à la radio, en respectant les formats. Cette phrase de Sartre que j'ai citée avant la fiction et que vous citez aussi dans votre livre, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'un homme aujourd'hui? Bon, alors évidemment, ça pourrait faire un formidable sujet de philo au bac. Mais pour ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Ce qu'il faut comprendre d'un homme aujourd'hui, c'est que l'homme est appelé à s'inventer de manière singulière, et en même temps qu'il s'invente de manière singulière, il doit prendre position par rapport à son époque et aux situations qui se présentent à lui dans cette époque. Autrement dit, c'est une seule et même chose de s'inventer soi-même et de donner sens à son époque par ses écrits, mais aussi par son action. Sartre disant toujours, il faut renoncer à l'immortalité et à la postérité, et essayer de trouver l'essentiel, une sorte d'absolu, d'éternité, mais dans l'assomption pleine et entière de son époque, du présent. C'est une apologie du présent. Absolument, absolument. Alors maintenant, il y a l'autre terme, l'autre thèse ou chef de famille d'une thèse politique. Lorsqu'on parle de Jean-Paul Sartre, c'est un mot existentialisme. Alors, on ne cessera d'interpréter, de répéter, et c'est bien d'ailleurs, de dire et d'expliquer c'est quoi l'existentialisme. L'existentialisme, cette idée que l'individu est certes inscrit dans une condition, il subit des contraintes. Il ne s'agit pas de nier les conditionnements. On a parfois voulu faire de Sartre l'auteur qui croit que l'homme est absolument libre de toute attache comme de toute entrave. Et qu'on peut casser tous les déterminismes. Voilà. Ce n'est pas cela. Simplement, c'est que quand bien même des contraintes et des conditions existent, il appartient à chacun, en les vivant, soit de faire que ces conditions se transforment en contraintes, soit en les vivant, d'essayer de les transformer en possibilités nouvelles. C'est par la liberté, d'une certaine manière, que les conditions ou les contraintes prennent sens ou non. Tandis qu'il n'y a pas la liberté d'une part et la contrainte qui vient affecter cette liberté. Nous devons vivre la condition qui nous est faite. Et nous la vivons en essayant de la projeter sur des possibles. Et sur des possibles qu'on invente dans la situation où on se trouve. On ne peut pas s'inventer patron quand on vient de la classe ouvrière. Mais il y a une marge. C'est ça le sens de l'existence, où on se fait être. On se fait être à partir de ce que l'on est. Alors quel regard il porterait par exemple sur la société française de 2016? Alors c'est difficile d'imaginer ce qu'un philosophe et un penseur auraient pu penser et dire dès lors qu'il n'a pas pensé et dit dès lors qu'il est mort. Mais bon, on peut essayer. Je pense qu'il utiliserait une notion qu'il a mise au point, entre autres, dans la Critique de la raison dialectique, c'est-à-dire que le propre de la vie sociale, le propre de la vie historique, c'est que nos actions, nos inventions s'inscrivent dans un contexte matériel, dans une certaine rareté, dans des oppositions, et finalement créent des contraintes qui se retourne contre nous. Voilà. Ce qu'il a essayé d'exprimer à travers des notions comme celle de série, la vie sérialisée, c'est-à-dire que les individus sont dépassés et intégrés malgré eux dans ce qu'ils ont pourtant inventé et réalisé. Qui l'a suivi finalement parmi les personnages qui nous intéressent ou qui nous éclairent pas forcément dans le domaine intellectuel d'ailleurs, ça peut être ailleurs. Qui est un peu sartrien aujourd'hui? À qui on pourrait, comme ça, identifier quel groupe social ou qui porte concrètement cet enseignement de Sartre chez nous? Je pense qu'il y a des personnes qui étudient Sartre. Et je crois que c'est un auteur, ou c'est un philosophe, qui séduit ou qui plaît, précisément, parce que pour prendre une expression de Foucault, qui sur ce point rejoindrait Sartre, c'est une philosophie qui se laisse subjectiver. C'est-à-dire que c'est une philosophie qui vous appelle à être par vous-même ou à agir par vous-même. Donc je dirais que les personnes qui se posent à la fois aujourd'hui comme des individualités libres, singulières, mais des individualités qui ne sont pas des individualités isolées, solitaires, parcellisées, autrement dit, des individualités impuissantes. Autrement dit, l'individualité qui revendique sa responsabilité et qui revendique en même temps son ancrage et ses relations. Donc je crois que ce sens de l'individu libre, éthique et en même temps exerçant une critique politique de son temps, je crois que cela, aujourd'hui, c'est profondément sartrien. Bien, Adéris, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à parler de Sartre. Bah oui, sa vie, son œuvre, c'est à le dire. Absolument. On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir, on vous laisse voler la victoire, on vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché, on vous laisse notre âme sur le bas-côté, endettée, endettée, en détresse, à genoux de chagrin d'avoir fait le baise-main à l'austérité, son altesse. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. À Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse ArcelorMittalisé, à Florange, l'or et l'acier. vous laisse cet étrange capitaliser sur la précarité. On vous laisse à vos super hyper profits pour la belle vie. Chez Lidl, le pack de bière a des pulsions suicidaires. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés. De quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité. De quoi vous distraire pour quelques années. Nos frontières se refermer, hommes à la mer émigrés, cap sur l'Angleterre depuis la Guinée, t'as le temps d'apprendre à nager. On vous laisse nos frontières se refermer sur la Méditerranée. Enfant de la guerre, cherche un bout de terre pour apprendre à marcher. Adi Risk, on se retrouve pour continuer à parler de Jean-Paul Sartre. Pourquoi arrête-t-il d'écrire des romans après les mots? Parce que finalement, on en aurait bien lu d'autres. Je crois que c'est... Vous savez, je crois qu'il a voulu, ce que j'expliquais tout à l'heure, expérimenter. Voilà, expérimenter une nouvelle manière d'être et d'agir. Son adieu à la littérature met fin à sa carrière, pourrait-on dire, d'écrivain, mais il continuera de s'intéresser à la littérature, preuve en est l'ouvrage massif, qui est à mon avis son ouvrage le plus abouti, qu'il va consacrer à Gustave Flaubert. Et puis par ailleurs, il voulait s'intéresser de plus près, je dirais, à marier, pourrait-on dire, la subjectivité critique, la liberté de l'individu et l'intervention dans la politique. Par-delà, les appareils, les syndicats, puisqu'il y a quand même en même temps une profonde remise en question du parti communiste, de la vie syndicale. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce qu'on a appelé son gauchisme. Il défile la conversion de l'intellectuel universel à des préoccupations concrètes, un sens de l'action et de l'universel qui se présente dans une situation donnée. Le problème des prisonniers politiques, des répressions, la liberté de penser. Il s'est quand même engagé sur la question des dissidents en Union soviétique. Voilà. La fin de sa vie, pratiquement à la fin de sa vie, il va prendre position en faveur des boat people. Le philosophe doit continuer à travailler les concepts. Mais le réel aussi. Mais le réel aussi, c'est-à-dire penser l'action. Et l'action, c'est une forme de conversion, de son point de vue. Alors, on y reviendra, mais vous avez parlé de Flaubert, c'est intéressant. Pourquoi Sartre s'est-il lancé sur ce travail? Sur Flaubert, après tout, on aurait pu le faire sur Balzac, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais pourquoi Flaubert? Et vous savez, je crois que le travail sur Flaubert, d'une certaine manière, est symétrique de ce qu'il a fait sur les mots. Flaubert est un écrivain qui l'a toujours intéressé, pour lequel, au départ, il éprouvait une certaine antipathie. Une antipathie parce que c'est l'écrivain qui a voulu se désengager du réel et de l'histoire, qui a voulu prendre sur la réalité le point de vue de l'absolu esthétique, c'est-à-dire le point de vue de la mort. Ouais. Et ça l'a particulièrement intéressé de ce point de vue-là pour voir que signifiait ce choix de l'imaginaire. Il a voulu poursuivre avec Flaubert un dialogue en tête-à-tête sur le statut de l'écrivain, de l'écriture et du rapport de l'imaginaire littéraire par rapport à la réalité. Et toi, Jean-Paul Sartre est une affaire sensible à lui tout seul, parce qu'il était haï, mais il était aussi célébré. Son œuvre est-elle si tranchée qu'on se sente obligé, comme ça, d'être dans les extrêmes en termes de jugement? Vous savez, je vous conterai une anecdote. Un personnage, un philosophe qui n'était pas tendre à l'égard de Sartre, en l'occurrence, lui, Althusser, aux obsèques de Sartre, il semblait très ému, et il allait répétant: Rousseau est mort une nouvelle fois. Nous n'étions plus habitués au XXe siècle à avoir des philosophes qui ne soient pas simplement des professeurs. C'est un personnage assez écrasant. C'est pas un être de papier. Bon, en même temps, il s'est mêlé de tout. Et il a parlé de tout parce qu'il assumait une certaine image, une fonction de l'intellectuel universel. Et donc ça lui a suscité des inimitiés, il a effectivement pu commettre des erreurs de jugement. Quand même, je vous attendais là-dessus, voilà. Sur les erreurs de jugement, sur le marxisme notamment. De ce point de vue, Camus a été plus lucide. Et on connaît la rivalité entre les deux, qui va jusqu'au physique même. Oui, on parle de philosophe, et là je vais vous paraître très prosaïque, mais on le sait. Camus était plus lucide sur le marxisme. Oui, si vous voulez, mais il y a quand même... Je vous sens très poli en disant oui, mais je ne suis pas d'accord. D'accord, en fait, je vais vous dire pourquoi. Oui. Si vous voulez, dans les années 60, quand on a lu, par exemple, la critique de la raison dialectique, quand on a un peu suivi le compagnonnage de route dans la décennie précédente entre Sartre et le Parti communiste, on a dit Sartre est marxiste. Bon. Oui. Mais on n'a pas vu qu'il attaque le continent marxiste, parce qu'il y a quand même des éléments qui l'intéressent, c'est-à-dire c'est une réflexion sur l'histoire, une réflexion sur les sciences sociales, sur les sciences humaines. Et donc, si vous voulez, plutôt que de dire « il est marxiste », il est en train de faire une critique de l'aspect, pourrait-on dire, scientiste ou déterministe du marxisme. Il essaie de s'approprier la puissance critique de l'analyse marxiste et de la relier à ce qui n'a jamais cessé d'intéresser Sartre, c'est comment c'est la liberté qui produit sa propre aliénation et comment il appartient à la subjectivité des individus de pouvoir ouvrir un champ du possible. Il a jugé que le marxisme était d'une certaine manière indépassable parce que dans l'état des connaissances, dans l'état du monde, on ne pouvait pas faire une critique moraliste du marxisme. C'est ça le reproche qu'il fait à Camus. Alors je comprends que l'attitude de Camus est quelque chose d'exemplaire, de lucide, mais l'attitude de Sartre est extrêmement productive aussi parce qu'elle consiste à tenter de redonner un sens du point de vue de la liberté à l'anthropologie marxiste et même, je dirais, aux sciences humaines en général. Alors les contraintes, parce que vous parlez de contraintes, les contraintes de la radio, c'est le temps. Donc on va aller vite pour les deux dernières questions. Ce couple à la fois atypique et mythique qu'il formait avec Simone de Beauvoir, là aussi, ça a laissé une grande trace quand même dans la vie intellectuelle française des années 50, 60, 70. Quelle trace ça laisse, ce couple-là? Enfin, pour moi, la trace que cela laisse, c'est d'abord deux personnes qui ont été intimement unies toute la durée de leur existence. Et je crois que c'est quelque chose qu'on ne souligne pas assez. Ce sont deux écrivains, deux philosophes qui se sont, comment pourrait-on dire, inspirés l'un l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle de Simone de Beauvoir comme lectrice, comme critique. Et donc, il a façonné une part de sa pensée. Voilà, il a façonné une part de sa pensée. Et en même temps, le fait que Sartre jugeait que Simone de Beauvoir était une authentique philosophe, une authentique partenaire. Je crois que c'est vraiment un couple philosophique. Ouais. Et ça, de ce point de vue-là, c'est unique. Dernière question, rassurez-moi, monsieur le professeur. Jean-Paul Sartre est toujours, bien sûr, enseigné, lycée, université. Quelle place il tient dans l'enseignement? Et comment on l'aborde, Sartre? Les raisons qui ont fait un certain purgatoire de Sartre, c'est-à-dire le succès des sciences humaines, du structuralisme, etc., sont aujourd'hui celles qui motivent un retour à une pensée de la subjectivité, de l'action, je dirais même de la conscience, qui sont présentes dans l'œuvre de Sartre. Donc de ce point de vue, c'est un auteur qui est redécouvert, qui est lu, qui est relu. Cela reste un auteur difficile, parce que ses œuvres philosophiques sont écrites tantôt dans le contexte de la phénoménologie, donc il faut quand même pour une philosophie en connaître une autre. Et puis, la critique de la raison dialectique reste un texte ardu, non pas à cause simplement du rapport au marxisme, ne serait-ce que dans son titre. Voilà, aux sciences humaines et à toute la tradition philosophique. Donc, mais cela dit, cette insistance sur la subjectivité, sur l'individu, fait qu'il y a un redémarrage de l'intérêt. Surtout, il y a toujours du possible dans l'histoire, même s'il n'y a plus de sens de l'histoire auquel on puisse adhérer. Mais ce sera le mot de la fin qu'ajouter à cela. Hein. Merci en tout cas. Merci infiniment. À des risques. Au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Sartre et le Nobel, une fiction écrite par Jean-Baptiste Sabiani, réalisée par Pascal De, Juliette Gou et Lola Constantini, émission proposée par Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Arnaud Caillet.